Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal à la dernière édition de ce mercredi 5 octobre 2016. En voici les grandes articulations. Deux hommes ont été arrêtés ce mercredi par le Service national de renseignement. Entre cela, Moïse Winhor et Jean Bosco étaient recherchés depuis longtemps pour des crimes commis, selon le porte-parole de la police. Mais d'autres sources avaient parlé d'une trentaine d'arrestations au même endroit. Vous suivrez Pierre Mouriquier dès le début de ce journal. Une incursion de Rwandais a eu lieu sur la colline Savanilgwa que revendique l'État du Burundi à travers la voix du gouverneur de la province Ngozi. Même une maison en construction d'en particulier a été détruite. C'est de la provocation, nous dira Albert Nduimana. Le 5 octobre, c'est la journée internationale de l'enseignant. Cette journée coïncide avec le redéploiement des enseignants. Une opération décriée par certains, notamment ceux de Rutana, qui disent que leurs conditions financières ne leur permettent pas de s'y conformer. Le président du syndicat Conapes est du même avis et ajoute que l'opération a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Et l'Union européenne dit n'avoir pas suspendu sa coopération au développement avec le Burundi, mais a arrêté son aide directe au fonctionnement du gouvernement. La directrice en charge de la coopération au développement de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale à l'Union européenne précise que les aides en faveur de la population continuent. Mais d'abord, cette nouvelle brève en rapport avec la nomination de certaines personnalités de la police nationale par le président de la République. Le décret est sorti ce mercredi. Le chef de bureau spécial à la direction générale de la police nationale devient OPC1 Massavo Salvatore, alors que le commissaire principal Wakana Laurent a été nommé chef du bureau études et planification à la direction générale de la police. OPC1, Nkurunziza Dieudonné devient chef de bureau informatique à la Direction générale de la police. Le commissaire général adjoint de la police pénitentiaire est OPC1, Mirele Kanopol, tandis que le sous-commissaire de la police judiciaire région Est est OPP1, Ndaïra Guigé Gédéon, et le sous-commissaire de la police pénitentiaire dans la même région Est est OPP1, Bizinda Gilbert. Le commissaire provincial de Karouzi est OPC1, Nibibogora Jérôme. Celui de Mouranvia, c'est OPC1, Yaki Isidore. Et le commandant de l'unité de police des mineurs et de la protection des mineurs, c'est OPC2, Ndiokubgayo Willy. Tandis que OPP1, Nibigira Olivier, devient le commandant en second de l'unité antiterroriste. Et deux hommes ont été arrêtés par le Service national des renseignements ce mercredi dans la zone de Bgiza, en commune de Mukaza. Moïse Winhor et Jean Bosco, qui fait partie de ces deux hommes, était recherché depuis longtemps pour des crimes qu'il aurait commis. Cette déclaration a été faite par Pierre Mouriquier, le porte-parole de la police nationale que la rédaction vient de joindre. C'est ma deux personnes. Il s'agit d'un certain Moïse Winhor et Jean Bosco qui avaient commis plusieurs crimes lors de la dernière insurrection. Et ils faisaient partie des gens qui enlevaient les autres dans les rues et qui les tuaient et qui allaient les enterrer dans des fosses communes. Et il avait pu échapper à la vigilance de la police. Il était revenu ces derniers jours à Djabé même, où il commençait à rassembler les gens pour pouvoir refaire les mêmes crimes. La population a appelé la police, lui disant que le criminel était revenu. La police s'est rendue sur le lieu et a mis la main sur ce criminel. Il a également appréhendé un certain Timothée, qui est complice de son premier et qui l'héberge. Pour le moment, ils sont sous interrogatoire au niveau du Service national de renseignement. L'enquête se déroule normalement au niveau du Service national de renseignement. Je vous l'avais dit, cette déclaration du porte-parole tombe alors que certaines informations faisaient état d'une trentaine d'arrestations au même endroit. Incursion ce mardi d'une population rwandaise accompagnée de 40 soldats rwandais armés de fusils sur la colline des Savanilgwa de la commune de Mwumba de la province Ngozi. Une maison d'une famille burundaise habitant cette colline et en cours de construction a été détruite par ces militaires. Albert Nduimana, gouverneur de la province Ngozi, indique qu'il s'agit d'une provocation car Savanilgwa est une colline se trouvant sur le territoire burundais. Il ajoute que des mesures de sécurité sont en train d'être envisagées. Suivez Albert Nduimana, c'est le gouverneur de la province Ngozi, au téléphone avec Placide Niyomwongere. Hier, il y a des gens rwandais accompagnés de militaires rwandais qui se sont introduits au niveau de cette petite colline-là avec des armes et ont détruit une maison en cours de construction. Ça se

et de l'apprenant et de l'enseignant. Antoine Emanouma dénonce ce qu'il appelle le favoritisme dans le traitement des recours où des enseignants redéployés ont été remplacés par d'autres, notamment au lycée communal Kendo. Jean-Pierre Misako de Furutana, Radio Isanganiro. Et malgré la demande persistante des enseignants de reconsidérer les lacunes constatées dans le redéploiement, le président de la commission chargée de cette opération, Liboire Wigrimana, a indiqué que le temps des recours a déjà terminé. Et les parents et les élèves en province de Bobanza se lamentent des frais exigés par certaines directions scolaires et qui font même que certains indigents abandonnent l'école. Cela est déjà arrivé au village de Pé de Kagwema, commune de Gihanga. Le gouverneur de Bobanza et le directeur provincial de l'enseignement déplorent les faits et mettent en garde les directeurs qui exigent des montants de contributions non convenus avec les parents. Spes Caritas Kavanyana. Certains parents du village de Pé de Kagwema en commune Gihanga, y compris des familles batois, se lamentent des frais dits exorbitants exigés aux élèves, soit pour l'inscription en première année, soit pour montée de classe. Ils disent que le directeur exige une somme de 10 000 francs par élève et que certains enfants ont déjà abandonné l'école suite au manque de cet argent. Mais ce directeur refuse toutes ces allégations faites à son égard et parle d'un pur montage. Au cours d'une réunion du conseil provincial de l'enseignement tenue ce mardi dans ce même village, le gouverneur de la province de Bouanza a déploré les faits et a indiqué que cela provoque des abandons scolaires. Tarsis Niongao, gouverneur de Bouanza, a recommandé aux responsables scolaires de suivre de près la situation. De son côté, le directeur provincial de l'enseignement a également déploré les faits et a indiqué que la contribution des parents dans la construction des locaux et dans l'achat des bancs pupitres devrait être un consensus entre les directions scolaires et les parents. Timae Barthélémy a également indiqué que le plafond de contribution des parents reconnu au niveau provincial ne doit pas dépasser 5 500 francs par élève. Merci Spes. Une relance du marché d'aménagement du site de Ngengabusoro de la zone Kanyosha va être faite pour tracer les routes dans cette localité. L'annonce a été faite par Innocent Niwizi, c'est le directeur général de la société immobilière publique SIP. Il fait savoir qu'ils ont eu un problème financier pour continuer les travaux et promet que des travaux préliminaires vont être faits. Suivez-le. Le problème a été au niveau des passations de marché. Au début de l'année, on a lancé l'avis d'appel d'offres pour l'exécution des travaux d'aménagement du site Ngengabusoro. Et en espérant que les acquéreurs de parcelles à qui on a attribué les parcelles auront payé. Mais arrivé à l'attribution du marché, on a constaté qu'on avait un montant insuffisant pour exécuter ces travaux. On a annulé le marché. Pour le moment, on s'est convenu avec le comité des représentants des propriétaires des parcelles dans cette partie de relancer le marché tout en exécutant les travaux préliminaires d'ouverture des voies et de bornage des parcelles afin de permettre à ceux qui disposent des parcelles à ces endroits de construire, suivant les routes qui seront tracées. Pour ceux à qui on a détruit leur maison, que va être leur sort? Il n'y a pas de maisons qui ont été détruites parce qu'on n'a pas encore commencé les travaux d'aménagement de ce site. Plutôt, le comité des représentants des propriétaires des parcelles à cet endroit, ils ont interdit à quiconque de continuer les constructions parce qu'ils ne savent pas là où va passer les voies. Deux nouvelles brèves dans la suite de ce journal. Un deuxième recensement des enfants mal nourris en vue de leur donner un supplément nutritionnel va se dérouler dans toute la province de Bujumbura. Cela a été dit à Gatumba, ce mercredi, dans un atelier destiné aux responsables sanitaires et de l'administration dans la province. Vianney Ndayishimiye, médecin provincial, appelle les parents des enfants de moins de 5 ans à répondre à cette activité qui va se faire dans la troisième semaine d'octobre pendant 4 jours. Le premier recensement a eu lieu au mois de juin. Les communes de Mukike et Mutimbuzi viennent en tête en termes d'effectifs des enfants mal nourris. Et des véhicules pick-up tout neufs de la police circulent depuis un certain temps dans la capitale Bujumbura sans numéro d'immatriculation. Le porte-parole de la police explique que la police a fait recours à ces véhicules parce qu'il y en a qui sont tombés en panne. Pierre Nourikiye ajoute que les formalités d'usage pour obtenir les plaques d'immatriculation ont été remplies et que le travail qui reste revient au service des impôts. Le porte-parole de la police reconnaît tout de même qu'aucun véhicule ne devrait circuler sans avoir rempli les conditions requises. Sans transition, de nouvelles brèves en actualité africaine. La présidence nigériane a mis en vente deux de ses 10 avions. C'est dans le cadre d'une campagne visant à réduire les dépenses de l'État. Certains avions de la présidence seront remis à l'armée de l'air. Cette opération entre dans le cadre d'une campagne d'éradication du gaspillage d'argent par les services de l'État. Elle est lancée dans un contexte où l'économie nigériane est entrée dans une phase de récession depuis fin août dernier. L'économie du Nigeria n'avait pas baissé jusqu'à ce niveau depuis plus de 10 ans. Fortement dépendante des exportations de pétrole, la deuxième économie du continent est durement touchée par la chute des cours mondiaux du pétrole. Enfin, pour la première fois, le président de la République démocratique du Congo s'est exprimé publiquement depuis les violences meurtrières du 19 septembre à Kinshasa. Il l'a fait en marche d'un déplacement à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne. Joseph Kabila a évoqué notamment les élections à venir dans le pays, sans pour autant trancher sur la question cruciale du report des élections. Une déclaration à prendre avec des pincettes, tant le sujet est explosif en République démocratique du Congo. L'opposition, en effet, accuse Joseph Kabila de vouloir repousser l'organisation de la présidentielle pour se maintenir au pouvoir au-delà de son deuxième et dernier mandat. Quoi qu'il en soit, des pourparlers entre le pouvoir et une partie de l'opposition sont en cours en ce moment à Kinshasa pour parler de l'épineuse question des élections, justement. Les autorités estiment qu'il est impossible d'organiser la présidentielle dans les temps, car il faut encore enrôler près de 10 millions de nouveaux majeurs. L'opposition, de son côté, exige la garantie que Joseph Kabila quittera bien le pouvoir à la fin de son dernier mandat en décembre, une garantie que la majorité ne veut pas fournir pour le moment. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Deux hommes ont été arrêtés ce mercredi par le Service national de renseignement. Un de ceux-là, Moïse Winor et Jean Bosco, étaient recherchés depuis longtemps pour des crimes commis, selon le porte-parole de la police. Mais d'autres sources avaient parlé d'une trentaine d'arrestations au même endroit. Une incursion de Rwandais a eu lieu sur la colline Savanelwa que revendique l'État du Burundi à travers la voix du gouverneur de la province de Ngozi. Même une maison en construction d'un particulier a été détruite. Et ça, c'est de la provocation, comme le dit Albert Nduimana, gouverneur de la province de Ngozi. Et le 5 octobre, c'est la journée internationale de l'enseignant, une journée qui coïncide avec le redéploiement des enseignants. Une opération décriée par certains, notamment ceux de Rutana, qui disent que leurs conditions financières ne leur permettent pas de s'y conformer. Le président du syndicat Conapes est du même avis et ajoute que l'opération a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Et l'Union européenne dit n'avoir pas suspendu sa coopération au développement avec le Burundi, mais a arrêté son aide directe au gouvernement. La directrice en charge de la coopération au développement de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale à l'Union européenne a précisé que les aides en faveur de la population continue. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Toussaint Mitevoti pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Nduimana, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée.